caisse, pendant que l'individualisme continue d'être à son aise. Fatigué de cette vie de merde sans toi sur la tête, j'ai parfois l'impression que la mort s'entête à ne pas me prendre pour que je souffre encore. Moi je voudrais partir, ce serait plus simple et en accord avec ce que les gens pensent de moi quand ils me regardent, du moins quand ils me voient, quand mon image les retarde dans leur quotidien sans repos, routinier et malheureux. En vérité, moi je suis libre, je fais ce que je veux. Enfin c'est ce que je voudrais vous faire croire, mais c'est loin de la vérité. La vie dans la rue est une bataille pour ne pas crever. Grailler une fois par jour, c'est déjà pas si mal. Dormir au sec et bien au chaud, c'est mon idéal. Je sais, tout ça est triste, la réalité est cruelle. Moi je vis là où personne ne va, pas très loin des poubelles. Ce qui me permet de tenir, c'est mes compagnons de vadrouille. Être plusieurs, c'est bien pratique pour éviter les embrouilles. Ensemble, on s'est créé un petit monde bien à nous. Entouré de nos bric-à-brac, on se sent bien mieux loin de vous. Cette vie à l'écart, on ne l'a pas choisie. Tout comme les regards, les insultes, l'arrogance et le mépris. Et plus c'est difficile, le système nous a rendus invisibles, mais l'ignorance des politiques est bien visible. Je suis un clochard, un SDF, un marginal, et malgré moi je suis devenu un peu antisocial. Je ne crois plus en rien, j'avance les yeux fermés, plus d'avenir pour moi, seulement l'envie de vous crier combien je déteste cette belle France qui nous laisse crever de froid pendant qu'à l'Élysée ça s'empiffre de petits fours et de foie gras. Mais merci quand même à tous ces gens qui pensent à nous. Malgré tout, il y a des gens bien dans ce pays.